J'ai cope la dernière weed. Je mélange avec la pâte. Mes potes ils sont pas amicales. On dérange toutes ces balles trinques. Je me rappelle pas d'eux. Fréquent dans le fit asiatique dans les yeux. Je me rappelle de rien. Beaucoup je vais jamais devenir vieux. Bushy et K.R. Kelly, je viole toutes les prods et je les bénis. Je crois que je vole quand je fonce d'à fond. Mélange pas le rhum, j'arrête et le fond. Non, non, non. Mélange pas le rhum, j'arrête et le jus. Elle est mince mais obèse du cul. Le premier qui parle on le tue. La balle traversera son pull. Hul, sa famille en deuil. La basse aime bien tâter des culs. C'est tous des PD comme Bilal Hassan. J'ai réchi sur ton cercle. Giclé sur ta petite sourette. Je pleure que quand j'ai de la fumée dans l'œil. J'ai besoin de sommeil. Maître volé sur de la suite depuis le début. J'suis avec toi, j'apprends mes défaites. J'garde ce que j'ai acquis dans la victoire 2019. Pour mon lobby plein d'espoir. Le temps passe, puis maman comprend que j'vais pas la décevoir. Même si j'faisais pas mes devoirs. J'ai commencé le terre. Tu sais pas comme ça charbonne et ça prend pas de vacances d'été. Ça vient d'Alger, Tahiti, de la Réunion, de la Côte d'Ivoire. Mais le temps passe, puis maman comprend que j'vais pas la décevoir. J'suis dans l'appart, pas dans la boîte. Elle casse les couilles quand elle aboie. Elle vide les couilles quand elle avale. J'finis ma taille, mon joint et je cavale. Plein de zip dans les naseaux, tes rappeurs sont naseux. Plein de zip dans la boisson, pas d'alcool, pas de nausée. Oser, ils veulent pas eux-mêmes assumer. Dans pas longtemps, on va les doubler. Perso, dans un an, je vise le double. Mon Damien, tout le temps, il est souple. Et je fais ça sans peur. Je sais que dans plusieurs dizaines d'années, il y aura nos faces en poster. Pétasse, dis-moi quel goût tu préfères. Fuck les forces de l'ordre et le préfet. Pétasse, dis-moi quel goût tu préfères. Fuck les forces de l'ordre et le préfet. Rien ne sert de chercher la source à laquelle je me réfère. Les rappeurs ont cherché, mais quand lions ont sévi, ils sont sévères. Notre évolution, tu es la suite depuis le début. Je suis avec toi, j'apprends mes défaites. J'garde ce que j'ai acquis dans la victoire 2019. Pour mon lobby plein d'espoir. Le temps passe, puis maman comprend que je vais pas la décevoir. Même si je faisais pas mes devoirs. J'ai commencé de terre. Tu sais pas comme ça charbonne et ça prend pas de vacances d'été. Ça vient d'Alger, Tahiti, de la Réunion, de la Côte d'Ivoire. Mais le temps passe, mais maman comprend que je vais pas la décevoir.